On va dire pas que c'est un deuxième pour l'instant, le 0,39 avec le meilleur partiel 1. Elle va venir en partiel 2, dans le partiel 3, le 0,39 pour l'instant. Félicité d'un dixième temps. Thomas Belmont 211, une 34, 763, 280.